Vous avez parfaitement compris. Vous avez parfaitement compris. Vous avez parfaitement compris. Vous avez parfaitement compris. Oh, attends. Le magistère veut faire un coup d'éclat. Avec la révolte de juillet dernier, les esprits ne sont plus aussi calmes qu'avant, surtout parmi les étudiants. Afin de calmer le jeu, il faut une bonne action. Le magistère veut faire un coup d'éclat. Avec la révolte de juillet dernier, les esprits ne sont plus aussi calmes qu'avant, surtout parmi les étudiants. Afin de calmer le jeu, il faut une bonne action. Afin de calmer le jeu, il faut une bonne action. Afin de calmer le jeu, il faut une bonne action. C'est exact. Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? C'est exact. Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? C'est exact. Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? Chers habitants de l'Ouest, vous voici aujourd'hui entrés dans votre nouvelle patrie. Vous serez dès à présent... Pardon. Vous serez dès à présent des citoyens de Bourgade à part entière, au même titre que les natifs, tant que, comme eux, vous respecterez le dieu du temps et les heures sonnées par la tour horloge. Oubliez vos dieux païens. Ici, le temps est dénombrable. Vous pourrez vivre éternellement si vous parvenez à gagner assez de temps. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Puissiez-vous vivre jusqu'à votre dernier gong ? Chers habitants de l'Ouest, vous voici aujourd'hui entrés dans notre... Chers habitants de l'Ouest, vous voici aujourd'hui entrés dans votre nouvelle patrie. Vous serez dès à présent des citoyens de Bourgade à part entière, au même titre que les natifs, tant que, comme eux, vous respecterez le dieu... Vous respecterez le dieu du temps et les heures sonnées par la tour horloge. Oubliez vos dieux païens. Ici, le temps est dénombrable. Vous pourrez vivre éternellement si vous parvenez à gagner assez de temps. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Puissiez-vous vivre jusqu'à votre dernier gong. Ok.